7, 6, activation orale, prononciation, et e. Écoutez et répétez les mots suivants. Ils contiennent tous la voyelle fermée représentée par e accent aigu. Prénom, distingué, Cécile, allongé, marié, santé, divorcé, décidé, carré, différent. Maintenant, écoutez et répétez les mots suivants. Ils contiennent tous la voyelle ouverte représentée par E accent grave. Père, pèse, mère, deuxième, frère, troisième, maître, quatrième, caractère, trait. Maintenant, écoutez, répétez et observez ces autres graphies des deux voyelles. Voyelle fermée, comme prénom. Travailler, donner, rencontrer, mesurer, premier, noter, donner, parler. Voyelle ouverte comme père. Hubert, Robert, elle, mademoiselle, faire, air, je fais, épais, il fait, portrait.